Je rappe avec et moi, le talent ne suffit plus, y'a pas d'argent dans le pura. Pourquoi je vis ma musique, c'est tout un art de penser comme moi. On me boycotte, car ma puissance est devenue ma voix. Encore un 16 qui découpe, fuck l'esprit qu'on pète. Si t'as la conscience, c'est possible, tu m'écoutes. Eh, hey, j'aime pas donner des leçons, je fais mon constat, ensuite vient ma déduction. La force vient de l'abdomen, la frappe vient du cœur. Sur chaque mesure, je pose la lourdeur. Le flow surgit de mes tripes, ma douleur s'endurcit avec les murs du mépris. On me boycotte parce que je suis trop franc. En tant que général, je reste au front. Pourquoi ils parlent de loyauté? Aucune impartialité quand les dés sont pipés. À part des pipelettes, j'en vois peu qui disent. Laissez-moi passer, aucun barrage ne sera toléré. Pour ma part, c'est écrit, j'ai pas besoin de tricher. Ma pièce maîtresse, seule les vrais viendront la chercher. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. Laissez-moi passer, aucun barrage ne sera toléré. Pour ma part, c'est écrit, j'ai pas besoin de tricher. Ma pièce maîtresse, seule les vrais viendront la chercher. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. On a les mains dans la mer, les pieds enracinés par le ciment. Orphelin de ma classe, mon amertume dépasse les enfants. Je dépasse les limites à chaque moment. Comment parler de sentiments, j'ai plus de raisonnement. Je masque ma souffrance derrière des sourires trompeurs. En face des sourires mon cœur. Les gars chez moi roulent des joints afin d'apaiser la douleur. J'ai eu mon époque de chien, oh. J'ai mangé la gamelle, probablement ce qui t'attend quand t'as trop faim. En fait, je crois bien qu'on est tous les mêmes. En attendant la merde, nos enfants ont tapé des lexique trop dégueulasse, car nos vérités vous menacent. Zigzag entre folie et réflexion. J'ai choisi d'affûter des 16, les baiser avec ma diction. Dis donc, pourquoi changes-tu de direction? Mes babines te feraient claquer le caisson. Laissez-moi passer, aucun barrage ne sera toléré. Pour ma part, c'est écrit, j'ai pas besoin de tricher. Ma pièce maîtresse, seule les vrais viendront la chercher. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. Laissez-moi passer, aucun barrage ne sera toléré. Ma part c'est écrit, j'ai pas besoin de tricher. Ma pièce maîtresse, seuls les vrais viendront la chercher. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. Tu peux flamber avec des montres à 20 barres, tu n'achètes pas le temps. Tu peux planer mais t'attends pas aux ailes d'un ange stable. Dis-moi quels sont les enjeux, paraît-il qu'on ferait des envieux. J'crie la vérité trop fort, j'baisse pas les yeux. Ils veulent pas m'ouvrir la porte, j'passerai par la fenêtre. On a l'instinct de fauve, laissez passer. S'il faut faire couler l'encre, il y aura des bouches cassées. Laissez-moi passer, aucun barrage ne sera toléré. Pour ma part, c'est écrit, j'ai pas besoin de tricher. Ma pièce maîtresse, seuls les vrais viendront la chercher. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. Laissez-moi passer, aucun barrage ne sera toléré. Pour ma part, c'est écrit, j'ai pas besoin de tricher. Ma pièce maîtresse, seuls les vrais viendront la chercher. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. Seul l'amour du disque pourra nous sauver. Pièce maîtresse 2012. Négro Diox et K.L. Marmo. Ça, va falloir que tu l'encaisses.